19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ce que nous proposent ce soir les archéologues, c'est un livre rouge-orangé où s'entrelacent une série de lettres constituant un slogan, la fabrique de la France. La fabrique de la France rappelle bien entendu une émission phare de France Culture, la fabrique de l'histoire créée voici plus de deux décennies. Mais ce livre, qui s'avère être la France au prisme des archéologues, marque de fait l'entrée de l'archéologie dans le grand débat qui agite aujourd'hui notre pays, celui de l'histoire de France et par là même de l'identité française, du récit, voire du roman national. En un mot, ce livre pourrait bien être la réponse des archéologues face à la fabrique du mensonge pour mieux fabriquer l'avenir. Publié chez Flammarion, celui-ci n'a pour éditeur rien de moins que Dominique Garcia, archéologue à la tête de 2000 archéologues et de la plus puissante institution de recherche archéologique en Europe, qui a pour slogan « Nous fouillons, c'est votre histoire ». Dominique Garcia, bonsoir. Bonsoir. Votre projet, raconter l'histoire de France dans la longue durée à partir de données, de documents mis en contexte ? 40 000 sites préservés par l'étude depuis 20 ans par l'INRAP, et donc effectivement le projet c'était de dérouler un récit de la fabrique de la France, des origines jusqu'à nos jours, grâce à la documentation matérielle et surtout la diversité des objets découverts par les archéologues du pollen jusqu'à l'étude des territoires. Vous dites 40 000 sites où les archéologues préventifs seraient intervenus. Il y en a à peu près combien de fouillés ? 4 000 ? À peu près, oui. C'est 10% qui ont fait l'objet de fouilles approfondies. L'ensemble des autres sites étant les diagnostics, donc les repérages des sites, l'étude de leur état de conservation avant prescription par le ministère de la Culture pour la mise en œuvre de fouilles plus étendues. J'aimerais tout d'abord montrer l'étonnante machine qu'est l'archéologie. Contrairement à l'histoire et notamment au texte, l'archéologie collecte des traces qui sont autant de faits, des données primaires, s'organisant en autant de preuves matérielles. Effectivement, ce qui pousse l'archéologue, c'est le recollement de cette documentation et qui aborde une diversité extrêmement large. Donc on a chaque fois l'unité de base, c'est le site archéologique, qui peut être une tombe, qui peut être un village, qui peut être un territoire. Et au sein de cette unité archéologique, la récolte de l'ensemble des documents qui témoignent des occupations humaines et de l'impact de l'homme sur le milieu. Au passage, la justice française utilise désormais à plein les méthodes et les résultats de l'archéologie dans certaines enquêtes ou éventuellement certains cold cases. On pense bien sûr à la disparition d'Estelle Mouzin, cette petite fille disparue maintenant il y a pas mal d'années. C'est vraiment une approche très très originale où l'archéologie justement ferait preuve. Effectivement, aujourd'hui, la justice s'intéresse aux méthodes des archéologues parce qu'effectivement, l'archéologie a fait ses preuves dans la recherche des sites, aujourd'hui recouverts par la végétation, par la récolte d'indices permettant de montrer des perturbations anciennes, voire dans l'analyse des faits matériels, notamment des ossements. Nous fouillons, c'est votre histoire, c'est visiblement votre slogan, mais l'histoire de qui ? Alors l'histoire, en fin de compte, d'un territoire, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans cet ouvrage, en fin de compte. La fabrique de la France, c'est l'étude de cet espace-là, de ses paysages depuis un million d'années, de sa variété de ses peuplements, de l'apparition des villes, de l'émergence des cultures, de leur transformation à travers le temps. Donc des paysages d'un espace qui, aujourd'hui, compose la France. Bien entendu, c'est montrer la variété de ce qui aujourd'hui compose la France, et donc qui donne une certaine unité, et de montrer qu'effectivement les cultures ne sont pas figées, qu'elles se sont transformées, enrichies à travers le temps, et que ce peuplement est le résultat d'influences diverses et d'émergence sur place de cultures spécifiques. Dominique Garcia, il faut parler tout de même du mythe des origines. Ce livre, justement, il ne vise pas tant à donner des racines à certains qu'à offrir des repères à tous. Effectivement, le temps du roman national ou du récit national est terminé. Ce qu'on a voulu montrer, c'est donner des repères, montrer qu'à un endroit où on habite ou tout près, il y a des vestiges archéologiques, que ces vestiges archéologiques racontent une histoire de cet espace, et c'est ce qu'aujourd'hui l'archéologie permet de documenter au plus près. Si le roman national a été créé pour unir dans toute sa diversité régionale, comme vous le disiez à l'instant, n'avez-vous pas l'impression qu'il soit devenu aujourd'hui un outil pour diviser? Justement, nous, on a essayé de prendre le contre-pied. Cet ouvrage, on essaie d'avoir le courage de la nuance, de donner du sens à des mots comme culture matérielle, à donner du sens à des mots comme identité, et montrer comment une identité, justement, n'était pas quelque chose de figé, mais quelque chose qui se construisait, qui s'amalgamait, qui se développait sur cet espace-là. Donc, plutôt rassembler et montrer une ouverture, y compris en montrant que cet espace, la France, avait été depuis très longtemps connecté au néolithique avec des régions d'Europe centrale ou de la Méditerranée, durant l'Antiquité avec bien entendu les échanges entre la Méditerranée et la Gaule, voire à d'autres périodes. Donc montrer à la fois ce qui caractérisait les cultures qui s'étaient développées sur notre territoire, mais également tous les liens entretenus avec les territoires périphériques. Il nous faut aujourd'hui quand même redéfinir une notion, la notion de civilisation, notamment celle que proclament certains, la civilisation française. Voilà, donc on a repris période par période cette notion-là de civilisation que l'on attribue. Alors pourquoi faire commencer l'histoire de France à Vercingétorix ou à Clovis? Nous, on l'a fait commencer dès qu'il y a les premières traces humaines, dès que l'homme intervient dans son milieu, et même presque avant Sapiens, vu que le premier chapitre évoque le cas de Néandertal. 120 000 ans, l'homme de Tourville-la-Rivière, découvert donc sur la Seine, c'est ça? Alors effectivement, la découverte de Tourville, placée dans son contexte, parce que c'est ça le concept de l'ouvrage, c'est partir d'une découverte d'un site et de montrer en quoi il éclaire une période ou une notion. Partir du site pour aller vers un aspect un peu plus large et non pas faire ce qui s'est fait pendant longtemps, illustrer par une découverte archéologique un fait historique qui était présenté comme étant avéré. Justement, votre démarche est totalement l'inverse, l'opposé des livres d'histoire dans ces cas-là. Alors, ou une autre manière d'écrire l'histoire, en fait, de partir de la documentation matérielle, de sa diversité sur le territoire, des différents types d'objets pour dérouler un récit de l'histoire de France. Justement, récemment sont parus une histoire mondiale de la France et puis aussi, bien sûr, un atlas historique de la France. Est-ce que vous inscrivez donc dans cette démarche de renouvellement? Bien entendu, le travail des archéologues depuis 20, 30, 40 ans a été de montrer que la discipline était une discipline historique, mais également une discipline sociale et même permettant d'écrire l'histoire de l'environnement. Donc c'est une nouvelle approche, effectivement. Puisque nous parlions de culture, de civilisation, évoquons le thème de la frontière. Vous en avez visiblement un bel exemple archéologique trouvé récemment, ou du moins étudié récemment, sur un site bien particulier, Pontarlier. Alors effectivement, à Pontarlier, Michel Gazembec et son équipe ont mis un jour un site contemporain de la conquête du royaume des Burgondes par les Francs en 534. Et ce site, en fin de compte, témoigne probablement d'enjeux géopolitiques importants, la mise sous contrôle par le royaume franc de grands axes reliant l'Italie à l'Europe du Nord-Ouest. Donc on voit comment l'archéologie, dans le cas d'un site extrêmement bien fouillé, par la particularité des vestiges archéologiques et notamment là des techniques architecturales, montre en fin de compte un élément géopolitique important à l'échelle, bien entendu, de la France, mais plus largement à l'échelle européenne. On aurait eu des fluctuations de population? Voilà, des populations qui ont été implantées dans ce secteur-là et qui du coup introduisent des nouvelles manières de vivre, introduisent une nouvelle culture matérielle, fabriquent en fin de compte la France dans ses frontières orientales. L'immigration, c'est un sujet qui intéresse les archéologues. L'émigration est un sujet qui intéresse tout le monde. Et nous, archéologues, en fin de compte, on les pointe, bien entendu, depuis les périodes les plus anciennes, depuis l'introduction de Sapiens et même la première migration d'Afrique. Et on les suit, bien entendu, sur des périodes un peu plus longues. Alors, le terme de migration, on le nuance, bien entendu, période par période, que ça soit la première apparition de l'homme en Europe, jusqu'au, bien entendu, des invasions plus récentes. Au fond des bois, nos ancêtres sont les Gaulois, probablement pas, mais en tout cas, certains ville en ville. Alors les Gaulois, ça a été effectivement une découverte importante ou une redécouverte importante de l'archéologie préventive, parce que de fouiller dans les secteurs agricoles, de fouiller dans les périphéries de villes a permis à la fois de montrer la densité de l'occupation gauloise des campagnes, donc on n'avait pas des forêts bien entendu, mais des espaces cultivés, des espaces exploités, et puis bien entendu ces villes qui sont le premier réseau d'habitats agglomérés au niveau national, ce que l'on a appelé les oppida. Alors, ceux qui sont connus, qui étaient nommés par César, mais ceux aussi qui se trouvent sous les champs, sous les bois. On connaît l'exemple de Bibracte, ville capitale des Éduins sous les bois, ou celle découverte par l'archéologie préventive à Moulay sous les champs. Donc, la ville objet périssable dont témoigne l'archéologie celtique. Dominique Garcia, il y aurait aussi un Marseille ou une Marseille avant Massilia? Le cas de la ville est un élément important. La première ville, bien entendu, c'est Marseille en 600 avant Jésus-Christ. Donc c'est en fin de compte une idée neuve en Méditerranée qui est introduite par les Grecs en bordure du golfe du Lion, qui va s'étendre ensuite sur tout le territoire celtique. Mais ce que montre l'archéologie, c'est qu'il y a eu avant des phases de proto-urbanisation, d'agglomération des populations. Et effectivement, sous la Marseille actuelle, sous la première ville, il y a d'autres formes d'agglomération, avec notamment ce site néolithique qui a été fouillé il y a quelques années et qui fait l'objet d'un chapitre dans l'ouvrage. Et puis parlons d'actualité. Vous avez une jolie découverte récente à Marseille, visiblement. Alors à Marseille, effectivement, on connaissait la ville grecque, on connaissait le rempart, un petit peu les nécropoles. Et récemment a été découvert un atelier d'amphores de Marseille du 4e siècle avant Jésus-Christ qui permet presque de rétablir une chaîne opératoire complète entre les champs de vignes fouillés il y a quelques années par mon collègue Philippe Boissineau, les lieux de production de vin, les zones d'embouteillage, entre guillemets, les amphores, et puis bien entendu toute cette diffusion du vin marseillais vers l'intérieur des terres, voire dans d'autres parties de la Méditerranée. Il y a l'histoire, il y a d'un côté l'archéologie, et puis il y a le mythe. Vous avez vu ce sujet autour d'un archéologue pensant que le mythe créateur de Marseille n'aurait pas eu lieu à Marseille ? Oui, on peut toujours essayer. Enfin, moi, je ne prône pas une archéologie de la légende ou une archéologie du mythe. L'archéologie est capable de produire son propre récit. Les légendes et les mythes sont tout autres. Et donc, essayer d'illustrer les mythes ou les légendes me semble assez vain. C'est donc un chapitre absent de cet ouvrage. En tout cas, la ville est un sujet formidable, vous le disiez tout à l'heure, avec l'emporium grec, les oppidas, bien sûr, gaulois, les cités antiques, les villes médiévales, une sorte de philum comme ça sur plusieurs millénaires. Oui, un philum sur plusieurs millénaires, mais qui est peu dans l'histoire de l'humanité et peu dans l'histoire de notre pays. Montrer que, justement, pendant des milliers d'années, la vie s'est faite en dehors des villes, que certaines villes ont totalement disparu, est aussi peut-être une petite leçon qu'on peut retenir. L'objet ville est un objet périssable comme tous les objets. Et même aujourd'hui, paradoxalement, ce sont sous les jardins du Luxembourg qu'on retrouve les traces de l'ancienne capitale des Parisiens. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Dominique Garcia, les historiens présentent souvent une histoire et un temps linéaire. Vous avez choisi d'autres rythmes ? Nous, l'ouvrage est composé en quatre sections. La première s'intéresse, en fin de compte, à l'appropriation du territoire qui est aujourd'hui la France par ses premiers habitants, Néandertal, Sapiens notamment, mais également comment ces premiers hommes ont entretenu des relations avec les autres êtres vivants, et notamment les animaux, dans les mythes, dans la manière dont ils ont cohabité avec la faune sauvage, mais également comment ils l'ont domestiquée ou comment ils ont introduit de nouvelles espèces. Donc cette notion du vivant qui est importante aujourd'hui, elle est bien documentée par l'archéologie. Il y a le fond, la structure de la première section. La deuxième section s'intéresse à la notion d'échange et à la création des villes. Donc en fin de compte, on est là dans une approche un peu plus territoriale, celle des espaces, des lieux de vie et de leur évolution sur le temps long. Ensuite, on aborde une histoire un peu plus connectée, celle des relations de ce qui est aujourd'hui la métropole avec d'autres espaces. Donc, l'histoire de France vue de l'outre-mer. Alors, l'histoire de France vue de sur l'ensemble des continents, vu qu'on évoque effectivement l'espace de l'océan Indien, avec le cas de Tromelin. On évoque le cas de cette archéologie française en Amérique, en Guyane. Donc, en fin de compte, les espaces constituant aujourd'hui la France sont autant de lieu où on peut essayer d'écrire une histoire mondiale par la présence de cultures différentes, mais aussi de cultures connectées avec celles de la métropole. Et puis, donc, on peut, de manière plus transversale, aborder les outils de l'archéologue tels qu'ils ont évolué ces 20 dernières années. Donc on a à la fois l'étude classique de la stratigraphie, on a tous en tête l'étude des sondages stratigraphie ou des grandes stratigraphies, mais là le géomorphologue, en l'occurrence Laurent Brussel, nous dresse en fin de compte une analyse plus large des gisements qui permettent eux-mêmes de localiser ou de pointer les occupations humaines. On s'interroge aussi aujourd'hui sur les nouveaux moyens qui permettent de retrouver les sites, notamment la méthode LIDAR, et on donne plusieurs exemples. Et puis peut-être l'archéologue, de manière humble, est obligé de se retourner vers d'autres sources, peut-être des sources déjà acquises, et donc on laisse une grande place aux archives, aux photos de fouilles anciennes, de documentations plus anciennes, qui nous permettent aujourd'hui d'appréhender à la fois l'évolution de la discipline et la manière dont elle s'est confrontée à travers le temps à d'autres disciplines. J'aimerais que l'on évoque les Gaulois au travers de deux grandes découvertes. L'une vieille de 40, 50, 60 ans, Vix, l'autre toute récente, Lavaux. Ce sont des apports considérables à l'archéologie nationale et à notre, par la même occasion, à notre histoire. Alors c'est des découvertes extraordinaires dans le sens... Alors la découverte de Lavaux réalisée en 2014, on l'a beaucoup évoqué, y compris à ce micro, elle permettait depuis très longtemps d'avoir une fouille d'un site funéraire de princier celtique, parfaitement mené par Bastien Dubuis et son équipe, et de permettre de recontextualiser ce type de sépulture sur un axe euro-méditerranéen, montrer comment ces états émergents du centre de l'Europe se développe en connectant l'activité commerciale méditerranéenne et les productions du monde celtique. Et puis bien entendu, le lien avec Vix, site situé à 60 km de Lavaux, a pu être réalisé par l'archéologie, ce qui montre en fin de compte que l'unicité de la discipline. Il n'y a pas deux archéologies, une programmée, une préventive. Il y a une pratique, l'archéologie préventive, qui permet de compléter les données de l'archéologie programmée, voire de mettre en perspective ou de préciser les données réalisées, recueillies lors des fouilles programmées. On connaît bien sûr les cercles brodéliens, composés de trois cercles s'emboîtant. Là, nous sommes dans une relation donc entre Grecs et Celtes. Mais est-ce qu'il y a un au-delà des Celtes? Et est-ce que ce monde celte est en relation avec ce troisième cercle bien plus lointain? Alors ce système de cercle, il nécessite d'imaginer un centre et une périphérie. Là, peut-être, justement, dans la notion de fabrique de la France, on recentre un petit peu les choses. On voit comment émerge la civilisation celtique, comment elle se connecte à la Méditerranée et comment elle est connectée aux richesses du nord de l'Europe. Et donc, peut-être, l'approche est moins méditerranéenne qu'il n'y paraît, malgré les beaux objets méditerranéens découverts dans ces tombes, étrusques et grecques principalement. Elle montre en fin de compte la connexion entre les peuples. Il y a plusieurs reprises dans l'ouvrage, on revient pour différentes périodes sur la notion de connexion entre sociétés. Il n'y a pas de centre et de périphérie d'un point de vue historique. Il y a des populations qui bougent, il y a des populations qui rentrent en contact et il y a des cultures qui émergent en lien avec ces sociétés. L'archéologie a été fille de la nation. Souvenons-nous du discours de Philippe Pétain donc à Gergovie. Gergovie, symbole de l'unité française. Qu'aurait écrit Adolf Rosenberg, archéologue allemand, théoricien du nazisme, sur vos découvertes de Lavaux, voire de Vix? Alors, je ne sais pas ce qu'il aurait écrit. En tout cas, nous, dès qu'on a fait ces découvertes, bien entendu, le contact a été d'échanger avec les spécialistes nationaux, mais aussi internationaux. Et ça aussi, peut-être aujourd'hui, l'Europe permet d'avoir une approche plus large, même au-delà de certains traités qui sont barrés. Voilà, quand aujourd'hui on réfléchit sur l'âge du bronze, quand on réfléchit sur la fin du néolithique, dans la zone ouest européenne, eh bien, on continue de travailler avec les Anglais, et notamment le projet autour de Stonehenge a réuni l'INRAP et des équipes britanniques. Donc voilà, aujourd'hui, on travaille ensemble à une lecture archéologique de la documentation et pas en opposition. Dominique Garcia, faut-il réécrire l'histoire de la Corse? Peut-être, en tout cas sûrement, celle de la Corse terre étrusque? Alors, les découvertes récentes de l'INRAP, ou du moins les fouilles récentes, parce que la présence étrusque en Corse avec Aléria est connue par les textes, est connue par l'archéologie, mais permet peut-être d'un peu mieux préciser la nature de ce peuplement, le mobilier d'accompagnement extrêmement riche découvert à Aléria, et puis illustrer un élément qui, peut-être, on a un peu oublié, cette notion d'archipel. Les étrusques n'étaient pas, bien entendu, n'occupaient pas un espace, un état-nation entouré d'une frontière, mais occuper des cités indépendantes les unes des autres. Et donc, en fin de compte, le site d'Aléria est un site étrusque entretenant des relations avec d'autres cités de l'autre côté de la mer Tyrrhénienne. Et en fait, l'espace étrusque était un espace, un archipel. Et les Corses, là-dedans? Une population corse, déjà? Alors, il y avait un peuplement en Corse depuis le néolithique, donc par définition, géographiquement, il l'était, mais les liens pour les périodes plus anciennes avec la Sardaigne ont été soulignés, et ensuite les présences grecques, les présences étrusques et la présence romaine ne doivent pas être niées. C'est ce qui fait, me semble-t-il, la Corse dans l'Antiquité et ce qui continue à la faire aujourd'hui. N'oublions pas que la première cité romaine n'a pas été créée sur le continent, mais a été créé en Corse. Ah oui? Bah oui, bien entendu. Avant Narbonne, il y a eu des occupations romaines en Corse. Oui, oui. On connaît bien sûr la bataille de Poitiers, Charles Martel, et une date, 732. Pourtant, l'archéologie semble raconter une toute autre histoire. Alors, elle n'est pas tout autre, mais elle la présente de manière différente, avec notamment la découverte de tombes musulmanes à Nîmes, la découverte de relations commerciales en Méditerranée avec des épaves qui livrent du matériel qui provient du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, avec effectivement la découverte de tessères à Perpignan. Donc, en fin de compte, on illustre une forme de convivance, une forme de communauté méditerranéenne, avec des échanges qui se font dans différents coins de la Méditerranée, avec des populations qui avaient des religions différentes. Et là, on a quelques beaux exemples archéologiques. Ah oui, récemment, je citais donc les exemples de Nîmes avec des tombes musulmanes au milieu d'un cimetière chrétien, avec les découvertes de Russino, de Narbonne. Donc, c'est des éléments qui sont des documents sensibles, précis, qui permettent de documenter cette présence musulmane, notamment dans le midi de la France. Donc, la bataille de Poitiers serait pour partie à réécrire? La bataille, peut-être pas, mais en tout cas, la présence et l'occupation de l'espace, sans doute. Ne pourrait-il pas en être de même d'une éventuelle archéologie du judaïsme en France, dont les vestiges ont été, semble-t-il, sous-estimés, que votre discipline commence peu à peu à prendre en considération? Alors, depuis quelques années, effectivement, notamment grâce aux travaux de Paul Salmona et de collègues de l'INRAP, on commence à pointer cette présence effectivement juive sur l'espace territorial français, et on a des traces, notamment liées aux pratiques cultuelles. Comme inversement, on note, et c'est pas inintéressant, l'absence de traces dans les nécropoles, l'absence de traces dans l'habitat. Donc on voit comment les gens ont pu vivre ensemble à un moment donné, disparaître dans une forme d'unité et puis de temps en temps réapparaître dans des moments précis, notamment lors de la pratique du culte. Oui, j'ai souvenir de la découverte d'un très beau mikveh à Saint-Paul-Trois-Châteaux, et avec une belle descente dans une cave. C'était tout à fait impressionnant. Que dire d'autres religions comme l'archéologie du protestantisme? Il existe aussi? Alors, c'est des éléments qui sont aujourd'hui mis en œuvre, qui mériteraient peut-être une mise en perspective plus large, autant dans la nature effectivement de matériel, mais également dans les éléments plus événementiels. Même l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale, dont on connaît bien sûr l'histoire, relate des faits parfois bien différents de ce que l'on pense. Alors on l'a dit, on le redit, les textes sont partiels et partiaux, les images sont choisies volontairement. L'archéologie aujourd'hui, quand elle révèle des camps d'internement de la Deuxième Guerre mondiale, notamment des camps d'internement de soldats allemands, quand elle permet de révéler des hôpitaux, des techniques de voire de protection des populations, on a fouillé ou on travaille sur la carrière de Fleury-sur-Orne. Ça a été évoqué dans cette émission. Donc aujourd'hui, voilà, l'archéologie est globale, l'archéologie est totale, s'intéresse en fin de compte à la recherche d'éléments permettant d'éclairer au plus près notre histoire, quelles que soient les périodes. Alors là, on voit tout à fait une réalité matérielle, mais réalité matérielle bien sûr du conflit par rapport à un récit totalement héroïsé par une propagande. Bien entendu, on s'approche au quotidien. Quand on descend dans la carrière de Fleury, on voit la vie quotidienne des populations qui s'étaient protégées dans cet espace. On pointe la matérialité et on en tire aussi des leçons pour des périodes plus anciennes, parce qu'on voit comment se sont conservés les vestiges, les interprétations qu'on peut en faire. Donc on a là un champ de fouilles, si j'ose dire, extrêmement important pour l'avenir. Vous avez demandé à un de vos archéologues, et non des moindres, d'écrire un chapitre sur les objets. Les objets, c'est bien sûr la culture matérielle, c'est ce qui est tout à fait capital pour l'archéologue. Et de rendre ces objets bavards. Un exemple, des bouteilles de Coca-Cola? Effectivement, donc Cyril Marcini s'est intéressé à la culture matérielle, rédige un article dans l'ouvrage qui est intéressant parce qu'il montre que malgré que l'archéologue fonde sa démarche sur la culture matérielle, il a souvent interprété rapidement des vestiges, y compris pour des périodes contemporaines. Et donc là, en l'occurrence, à propos de la bouteille de Coca-Cola, il nous raconte une histoire tout autre. Ce n'est qu'un aspect, en fin de compte, pour nous titiller et nous inciter à aller chercher beaucoup plus loin des interprétations sur peut-être pour des périodes plus anciennes. C'est-à-dire que cette bouteille de cette fameuse marque n'était pas américaine, mais allemande, produite en Allemagne, voilà. Avec les Allemands ayant visiblement produit une autre marque d'un liquide orange bien connu dans ce pays aussi. L'archéologie n'est plus la science annexe de l'histoire. Vous n'êtes plus désormais les supplétifs de l'histoire, pour reprendre donc un terme usité par Pierre Barthélémy dans un article du Monde. Non, effectivement, l'archéologie aujourd'hui est devenue une discipline adulte qui arrive effectivement à se nourrir de ses propres enquêtes et ensuite à nourrir les autres disciplines par les résultats de ses travaux. En ce sens-là, l'archéologie préventive montre totalement sa capacité à produire cette documentation, à la mettre en perspective, d'autant plus qu'on sait tous qu'aucun site n'est éternel, de la grotte Cosquer qui risque d'être engloutie par les eaux de la Méditerranée à effectivement Notre-Dame de Paris incendiée. Donc l'archéologie et l'archéologue qui documente les sites archéologiques produit du savoir qui lui pourra être transmis. Et là, en revanche, on est dans une forme de transmission qui est assurée. C'est ce qu'on appelle la conservation par l'étude. Dominique Garcia, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La Fabrique de la France, paru chez Flammarion. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Benjamin Vignal, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.